De retour à Futur Simple sur CKRL 89.1, Samuel Lauzon au microphone et pour cette deuxième partie d'émission, Futur Simple se met au diapason avec la thématique du jour, c'est-à-dire le jour de la Terre. En ce jour de la Terre, Valérie, tu as choisi de nous parler des métaux de transition énergétique. Oui, exactement. C'est un choix parmi tant d'autres, hein, parce que la Terre souffre de beaucoup de maux environnementaux, pas seulement de changements climatiques, mais aussi, par exemple, de pertes de biodiversité, de pertes de milieux naturels, et pas seulement des milieux humides. Hein, on parle beaucoup des milieux humides, mais il y a les autres milieux naturels qu'il ne faudrait pas oublier. Et puis, il y a les multiples problèmes de pollution. Il n'y a pas juste le CO2 qui nous pollue l'atmosphère et les milieux. Donc pour les changements climatiques, on espère les amenuiser avec la transition énergétique, c'est-à-dire en passant des combustibles fossiles à d'autres formes d'énergie renouvelable et moins délétères pour l'environnement. Mais ces énergies renouvelables, elles nécessitent beaucoup de métaux. Dans cette transition énergétique, nous allons transiter du pétrole vers les métaux avec des dommages environnementaux liés à l'activité minière, ce qui risque de nous mener peut-être vers d'autres cul-de-sac. Oui, tout à fait. Hein, on entend parler là, en tout cas, les concessionnaires cherchent des voitures électriques, donc c'est vraiment comme très dans l'air du temps. Mais ces métaux de transition énergétique, c'est quoi exactement? Ce sont lesquels? Oui, ce sont lesquels? On parle des métaux pour construire les éoliennes. Donc, par exemple, il y a du néodyme, il y a du dysprosium, il y a du bore. Il y a toutes sortes de beaux métaux, jolis noms, hein? On parle aussi des métaux pour construire les panneaux solaires, donc par exemple du silicium, du sélénium, du gallium. Puis tu parlais de voitures électriques, bien évidemment pour fabriquer les batteries, celles des véhicules électriques, mais aussi celles pour stocker les surplus d'énergie produits par les éoliennes et les panneaux solaires. Donc pour ces batteries, il faut du lithium, du cobalt, du nickel, du manganèse. Entre autres. Donc, comme la transition énergétique demande de produire plus d'électricité, il faut aussi augmenter le réseau de transport de l'électricité et donc construire de nouvelles lignes électriques. Les éoliennes, quand elles font de l'électricité, elles n'envoient pas leur électricité comme ça par la voie des airs. Il faut des lignes électriques quelque part pour ramener ça sur le réseau principal. Et les lignes électriques, elles sont en cuivre. Donc, le cuivre, on l'oublie, mais il fait aussi partie des métaux de la transition énergétique. Donc, ça fait beaucoup de métaux, ça. Et de façon générale, les chercheurs de la transition énergétique estiment à une quarantaine les métaux nécessaires 40. Pour la transition énergétique. C'est une bonne partie du tableau de Mendeleïev, finalement. Ouais. Et le problème, c'est que beaucoup de ces métaux sont aussi ceux de la transition numérique. De la transition, en tout cas, du développement numérique. Donc, tous nos équipements électroniques, le réseau Internet, les centres de données, ils sont aussi gourmands en métaux. Et comme les applications numériques explosent, la demande en métaux pour le numérique explose aussi. Ça fait beaucoup. Mais il va falloir les produire, ces métaux-là. Est-ce qu'on a une idée de combien qu'il va falloir en produire? Alors, pour la transition énergétique, il faut produire beaucoup. Il va falloir produire plus de ces métaux. D'une part, parce qu'il va falloir produire plus d'électricité. D'autre part, parce que les éoliennes, les panneaux solaires nécessaires pour augmenter cette production d'électricité, ce sont des moyens de production d'énergie qui sont gourmands en électricité. Et puis aussi parce que jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment de transition énergétique, mais il y a plutôt une juxtaposition des énergies. La demande en énergie, elle augmente. L'électrification de la société, ça ne s'accompagne pas forcément d'une diminution de la production d'énergie fossile. On n'a pas arrêté de forer les puits jusqu'à présent. On continue de puiser jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et donc, il faut des métaux pour cette augmentation de la demande en énergie en général. Alors, d'après un rapport de 2021 de l'Agence internationale de l'énergie, pour donner quelques chiffres, un mégawatt d'électricité produit par une éolienne en mer demande 15 tonnes de minéraux métalliques. En comparaison, un mégawatt d'électricité produit par une centrale au charbon demande 2,5 tonnes de minéraux. et c'est seulement une tonne pour une centrale au gaz. Donc on voit qu'il y a un facteur 15 là entre les métaux qu'il faut pour des éoliennes et les métaux qu'il faut pour une centrale au gaz pour une même mégawatt quantité d'électricité produite. Et puis on peut aussi faire une comparaison avec les voitures aussi, les voitures électriques qui sont gourmandes en métaux. Donc dans une voiture thermique, bon, en tout cas une voiture à essence ordinaire, là il y a 20 kilos de cuivre. Dans une voiture électrique, c'est entre 60 et 80 kilos de cuivre. Oh. Oui. Ouais, c'est ça. En plus du lithium, du nickel, du cobalt, etc. qu'il faut pour une batterie. Donc l'Agence internationale de l'énergie estime que d'ici 2040, la demande en minéraux pour les technologies propres sera de 45 millions de tonnes. C'est 6 fois plus qu'aujourd'hui, et sur ces 45 millions de tonnes, il y en a 21 pour les batteries, il y en a 14 pour le réseau électrique, on l'oublie, mais les réseaux électriques, il va nous demander beaucoup de métaux, et une dizaine pour les éoliennes et les panneaux solaires, et ça c'est sans compter les besoins des métaux pour le numérique. Oui, c'est des chiffres qui font ça fait réfléchir, ouais, ça fait réfléchir, ça, oui, ça fait tout à fait. Ouais. Puis, est-ce qu'on va réussir à produire tous ces métaux? Est-ce qu'il y a des métaux critiques pour lesquels ça va être plus difficile de produire? Oui, c'est ça. On entend souvent ce mot de métaux critiques. Alors, c'est quoi un métal critique? On parle de métaux critiques quand ils sont indispensables à une technologie. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de substitution, on ne connaît pas de substitution, de solution alternative pour les remplacer. Et on parle aussi de métal critique quand il y a des risques d'approvisionnement. Et là, en matière d'approvisionnement, il faut penser approvisionnement en termes de ressources géologiques. Donc, est-ce qu'il y a les minerais dans la croûte terrestre? Et il faut penser aussi approvisionnement en termes de chaîne de valeur, c'est-à-dire toutes les étapes de raffinage entre le minerai qu'on extrait et les produits à valeur ajoutée qu'on va mettre dans les batteries, et ensuite tous les éléments intermédiaires. Parce qu'évidemment, on ne fabrique pas les batteries avec le minerai comme ça brut. Non, non. Il y a plein d'étapes. Hein. C'est vraiment compliqué, la chaîne de valeur de toutes les étapes intermédiaires de raffinerie des métaux. Donc l'approvisionnement, ça dépend de plusieurs choses. Donc, la ressource géologique, est-ce qu'il y en a assez dans la croûte terrestre? L'accès à la ressource, est-ce qu'on a la technologie pour aller la chercher? Et est-ce que c'est économiquement rentable de l'exploiter? Puis si oui, est-ce qu'il y a des enjeux géopolitiques qui bloquent ou qui compliquent l'accès aux minerais? Ou des enjeux géopolitiques qui bloquent l'accès aux minéraux raffinés, aux différentes étapes de raffinage. Puis si ces enjeux technologiques, économiques, géopolitiques sont levés, est-ce qu'il y a des enjeux environnementaux et sociaux qui empêchent l'exploitation d'un site minier ou qui empêchent l'installation d'une usine de raffinage ou d'une construction de batterie, par exemple? Oui, ça nous dit que ça nous sonne des petites cloches. On en a des exemples. Oui, c'est ça, tout à fait. Tous les pays, ce que je comprends, c'est qu'ils n'ont pas tous les mêmes enjeux d'approvisionnement, mais ces métals critiques-là, est-ce que c'est partout? Tout pareil pour chaque pays, ces problèmes-là d'approvisionnement? Non. On imagine bien que selon les enjeux d'approvisionnement vont être différents d'un pays à l'autre. Oui. Simplement parce qu'il n'y a pas la même géologie partout. Donc, il n'y a pas les mêmes ressources minières partout. Juste à la base, oui. C'est ça. Il y en a qui ont du lithium, il y en a qui n'en ont pas. Mais avoir la ressource minière, ça ne suffit pas, comme je le disais, parce qu'il faut avoir la technologie pour raffiner le métal. Pour produire un métal pur de bonne qualité et en fonction du produit final pour lequel on veut utiliser ce métal. Donc, par exemple, on sait que pour fabriquer des batteries, il faut du lithium, mais il n'y a pas de gisement de lithium partout. Donc là, il y a un enjeu d'accès à la ressource géologique. Mais il faut aussi pouvoir transformer le lithium en hydroxyde de lithium et en carbonate de lithium. Mmh. C'est ça qui est utilisé pour fabriquer les batteries. Alors, dans le fait, par exemple, pour le lithium, il est essentiellement extrait en Australie, en Argentine, au Chili et en Chine. Mais c'est la Chine qui fait le raffinage du lithium. Okay. Donc, il y a un enjeu géopolitique d'approvisionnement. Il y a un enjeu d'accès à la ressource minière. Mais après, il y a un enjeu géopolitique d'approvisionnement aux produits raffinés du lithium. Puis la Chine a aussi un monopole sur le raffinage du cobalt. Donc, il y a un accès, là, d'enjeu à l'accès au cobalt raffiné. Mais la Chine, elle, elle n'a pas de cobalt sur son territoire. Donc, elle, okay. elle a aussi un enjeu d'accès à la ressource qui est au Congo. Oui, je vois. Donc, on voit les différents niveaux d'accès à la ressource minière ou d'accès au métal raffiné que nous, on va utiliser pour fabriquer nos batteries ou autre chose, ou nos panneaux solaires. Ça me fait penser à des pions sur un jeu d'échecs géopolitiques, là, avec des stratégies de... Oui, exactement. Donc, les enjeux d'approvisionnement, ils sont différents de nature et ils évoluent avec le temps aussi, parce que la géopolitique, elle change. Mm-hmm. Et ils évoluent aussi avec des nouvelles technologies qui peuvent donner accès à de nouvelles ressources minières mm-hmm. qu'on ne pouvait pas exploiter avant, puis que peut-être on va pouvoir exploiter avec des nouvelles technologies. Ou alors, un gisement qui n'était pas économiquement rentable peut le devenir aussi. Donc, c'est des situations quand même assez complexes. Ou alors, on trouve une nouvelle technologie qui fait qu'un métal n'est plus nécessaire. Donc, un métal qui était critique ne l'est plus. Ouais. Donc ça aussi, ça peut faire évoluer ce qu'on appelle un métal critique. Et finalement, tous ces enjeux d'approvisionnement sont différents d'un pays à l'autre, changent avec le temps, et chaque pays chaque pays s'intéresse, se questionne sur ces listes, sur les métaux qui lui sont critiques. Les pays établissent leur liste de métaux critiques, sachant que cette liste de métaux critiques d'aujourd'hui ne sera peut-être pas celle de demain. Ouais, ça donne une idée de la complexité là, de ce que c'est qu'un métal critique. Tout à fait. Et là, tu parles de liste, mais est-ce qu'on a une liste comme ça? Est-ce qu'une liste existe ici au Canada? Oui. Oui? Ah oui, OK. Il y a une liste. Exactement. Donc, le Canada a une stratégie sur les métaux critiques. Alors, c'est plus une stratégie de développement économique sur les métaux critiques qu'une stratégie de transition énergétique ou une stratégie de lutte contre les changements climatiques. Parce que dans cette stratégie, on trouve toutes les opportunités ou toutes les stratégies pour bâtir une économie sur les métaux critiques. Mais toujours est-il que dans cette stratégie, on trouve une liste des métaux critiques. Samuel, il y en a 31. 31 pour le Canada. Alors, c'est la même chose pour les autres pays. Hein. Les autres pays qui font aussi leur liste ont aussi une trentaine de métaux critiques qui sont à peu près les mêmes en réalité. L'Agence internationale de l'énergie J'imagine qu'il y en a qui reviennent plus souvent que d'autres. Le lithium, certains métaux qui reviennent plus souvent que d'autres. Alors, l'Agence internationale de l'énergie aussi a établi une liste de minéraux critiques. En fait, elle a une liste de 37 minéraux critiques. Et elle identifie 6 métaux clés qui sont le lithium, le cobalt, le nickel, le cuivre, le graphite et le néodyme. Donc, ces 6-là, on les retrouve aussi dans la liste du Canada. Okay. Donc, je vais donner aussi quelques chiffres aussi qui sont donnés par l'Agence internationale de l'énergie pour montrer pourquoi ces 6 métaux sont des métaux clés. Donc, pour le lithium, c'est pas compliqué. Il va falloir en produire 40 fois plus d'ici 2040. Il va seulement falloir en produire 40 fois plus. On va pouvoir faire ça comme ça du jour au lendemain. Le cobalt, le nickel, le graphite, il faut augmenter la production par 20 d'ici 2040. Puis là, comme je le disais, pour ces métaux, il y a des problèmes d'approvisionnement de nature géopolitique parce que les mines de cobalt sont en République démocratique du Congo. Les mines ou gisements de lithium sont en Australie, en Chine et au Chili. Et c'est la Chine qui détient la plupart des capacités de raffinage, du lithium, du cobalt et également du graphite. L'Indonésie extrait et raffine une grande partie du nickel. Donc, c'est difficile pour les autres pays d'accéder à ces ressources-là. Et le cuivre? Le cuivre, il faut en produire 3 fois plus d'ici 2040. Bon, 3 fois plus, on se dit... Quand on est rendu à 40, comparé à 40, on a l'impression que c'est pas tant que ça. C'est ça, exactement. Mais les mines d'activité, les mines de cuivre en activité et les projets qui existent, qui sont en cours, ne suffiront pas à fournir cette quantité qu'il va falloir produire d'ici 2040. Et pour ouvrir d'autres mines d'ici 2040, ça prend 15 ans entre l'exploration, l'obtention des permis, la mise, la construction de l'infrastructure et puis la mise en activité de la mine, ça prend une quinzaine d'années. Donc on est en 2024, nous amène à 2040. Donc on risque d'avoir des problèmes d'approvisionnement en cuivre dans les 15 prochaines années. Oui, quand je pense au niveau, par exemple, des concessionnaires, puis les voitures, comment que c'est en demande, puis comment qu'ils en cherchent, puis ouais. les listes d'attente et tout. Et là, ouais. si on vient avec une pénurie au niveau des difficultés d'approvisionnement là, ça augmente vraiment. Et tout ça, c'est les estimations pour les technologies propres et la transition énergétique. Ça faudrait ajouter les besoins qui viennent avec le numérique, avec l'expansion du numérique. Okay, oui. ça augmente certainement les besoins. Puis il y a aussi, j'imagine, toute la question, j'imagine si on suit un peu la filière des minéraux qui sont les plus critiques aussi, on peut voir toutes les problèmes qu'on peut avoir d'acceptabilité sociale, ouais. comment il va y avoir une pression forte sur les problèmes environnementaux et sociaux. Ça crée une pression parce qu'il y a une grosse demande, donc ça pèse plus fort, si exactement, on veut. Là. Exactement. Donc, il va y avoir... on veut ouvrir toutes ces mines, des usines de raffinage, etc., c'est là qu'arrivent les enjeux environnementaux et sociaux. Il y a déjà des projets de mines de lithium au Portugal et en France, et ça passe pas très bien auprès des populations locales. C'est vrai pour ouvrir les nouvelles mines, mais c'est aussi vrai pour les usines de chaîne de valeur. Donc on le voit avec Norvolt, même si c'est pas mal au bout de la chaîne de valeur, n'empêche que ça soulève quand même quelques confrontations. Et c'est notamment pour les activités minières aussi ce qui devient critique. Figure-toi, Samuel, c'est l'eau. Okay. On l'oublie, l'eau, mais l'industrie minière, ça demande beaucoup d'eau. Il y a une bonne partie des mines qui sont dans des pays où il n'y a pas beaucoup d'eau, notamment au Chili ou en Australie, là où on extrait une bonne partie du lithium. C'est dans des régions désertiques. Le Chili aussi est un producteur majeur de cuivre. En fait, les mines de cuivre et puis les gisements de lithium dans le Chili, c'est dans le désert de l'Atacama. Donc, c'est par définition un désert, il n'y a pas beaucoup d'eau. Il y a des populations locales autour qui ont besoin d'eau pour vivre, pour faire de l'agriculture. Et il y a donc un dilemme à qui on donne l'eau. Et il y a déjà eu des projets miniers au Chili qui ont été abandonnés par manque d'eau, parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'eau pour... mettre en marche l'activité minière. Donc, c'est peut-être pas seulement les métaux qui vont devenir critiques pour la transition énergétique, mais aussi la disponibilité en eau pour extraire ces minéraux critiques. Oui, c'est ça, choisir entre l'eau pour le fermier. des fois, là, il peut avoir les différents besoins vont être en confrontation. Ouais. Merci beaucoup, Valérie, de nous avoir éclairé là, sur les méthodes de la transition énergétique et sur l'ampleur des enjeux environnementaux et sociétaux auxquels on va être confronté, puis qu'on est déjà confronté, j'aurais tendance à dire. Alors, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Nous serons de retour la semaine prochaine. Il sera notamment question de nos données qui circulent sur Internet. Mais pour le moment, nous passons le micro de CKRL 89.1 à Calypso Lemoine qui va vous accompagner pour son émission En aparté.